Je suis d'un coin du ciel que tu ne vois pas. Une terre éternelle où le soleil est roi. J'ai le sable et le sel partout sous mes pas. Je pense à toi. Je t'en...